Vous écoutez France Culture. Contre-histoire de la philosophie de Michel Onfray à l'Université populaire de Caen. Dixième année, les consciences réfractaires. Aujourd'hui, la philosophie des chiens de garde. Bonsoir. Pour cette troisième séance consacrée à Paul Nizan, je souhaiterais ce soir examiner avec vous deux livres que je voudrais mettre en parallèle, Les chiens de garde et puis Les matérialistes de l'Antiquité. C'est un ouvrage qui a été écrit pour le premier en 1932, c'est-à-dire avant le voyage en Union soviétique. Nizan a 27 ans. Et le second, Les matérialistes de l'Antiquité, date de 1936. Il a 31 ans, Paul Nizan, et il dit des choses qu'il faut entendre en contrepoint, sur le principe un peu contrapuntique d'un Jean-Sébastien Bach, voir l'un et l'autre, lire l'un et l'autre, penser l'un par l'autre et voir que ces deux livres se répondent. On a beaucoup parlé des chiens de garde. C'est un livre qui a fonctionné un petit peu comme un arbre qui cachait la forêt de Paul Nizan. Un peu moins, Les matérialistes de l'Antiquité. C'est singulier, c'est un ouvrage ingénieux, intelligent, codé, ésotérique, rempli d'un certain nombre d'informations qu'on ne peut pas comprendre vraiment à la première lecture. On peut comprendre quand on est un peu informé de la biographie du personnage, quand on voit les conditions historiques d'écriture, les conditions historiques de fermentation aussi de cette pensée-là, pourquoi ce petit texte qui donne l'impression d'être une espèce de manuel à l'usage des étudiants est finalement une espèce de machine de guerre bien huilée, bien préparée, qui n'a pas eu le temps de fonctionner, mais qui était prête à fonctionner, vraiment, contre le parti et pour le parti, contre un parti communiste français qui aurait été trop pro-soviétique et pour un parti communiste qui aurait pu être franco-français, disons-le comme ça, épicurien et hédoniste. Je vais essayer de vous faire voir comment les deux livres fonctionnent l'un l'autre. Nizan, en son temps, fait la critique d'une certaine philosophie, la philosophie de l'idéalisme bourgeois, le spiritualisme, le bergsonisme, le néo-kantisme, enfin tout un tas de pensées qui nous sont présentées comme des grandes pensées. On a pu voir déjà avec Politzer comment Bergson avait pu fonctionner comme une figure emblématique de l'époque, du temps, de la bourgeoisie, du capitalisme, et pourquoi la bourgeoisie dit d'un philosophe qu'il est grand quand le philosophe dit de la bourgeoisie qu'elle est grande. C'est une espèce de renvoi d'ascenseur, on se passe la rhubarbe, on se renvoie le séné. Et à l'évidence, ce qui se trouve derrière ce genre de jugement de valeur est littéralement politique. Et ce que Nizan n'aime pas, c'est la philosophie qu'on pourrait dire théorétique, c'est-à-dire la philosophie qui veut la théorie pour la théorie. Une espèce de jouissance du concept et du mot pour lui-même. Le plaisir qu'il y aurait à jongler, à montrer qu'on est habile, et qu'on peut démontrer ce qu'on veut, c'est-à-dire on peut démontrer une chose, puis son contraire, puis autre chose que le contraire, et puis faire ça tout aussi brillamment, sans aucune conviction. C'est ce à quoi l'école normale supérieure formate. Mais Nizan dit, mais il y a une autre philosophie que celle-ci. Il y a d'autres philosophies aussi, et il faudrait dire quelles elles sont. Et le matérialisme de l'Antiquité, ou les matérialismes de l'Antiquité, ou le matérialisme antique, donc, c'est-à-dire Démocrite, Épicure et Lucrèce, essentiellement, dans l'ordre chronologique, ce sont des figures que Nizan présente comme des antidotes à cette philosophie scolastique, bourgeoise, qui justifie le monde comme il va. Ce qui est intéressant dans la philosophie d'Épicure, dit Nizan, c'est toujours Nizan qui pense et qui parle, c'est qu'elle propose ce qu'on appelle une sotériologie, c'est-à-dire un salut. Le christianisme s'est emparé de cette idée du salut, mais le salut, il existe bien avant le christianisme, et il existe bien indépendamment aussi des religions, les philosophies proposées dans l'Antiquité, des saluts, c'est-à-dire avant la philosophie et après la philosophie, ça n'est plus la même chose. On ne vit pas la même vie quand on a rencontré Socrate, quand on a rencontré Diogène un jour, quand on a croisé Aristippe de Cyrène en Cyrénaïque, la Libye d'aujourd'hui. La vie s'en trouve modifiée, transformée, radicalement modifiée. Donc il y a conversion, sotériologie, c'est-à-dire un salut. La philosophie propose un salut. Ce que proposent Épicure et les épicuriens, c'est une philosophie du bien vivre et du bien mourir. Souvenez-vous, je vous ai raconté que L'obsession du normalien, du communiste, du militant, c'est la mort. C'est comment vivre puisqu'il va falloir mourir. Qu'est-ce que le néant? Comment puis-je concevoir le néant? Et le concevoir est problématique puisqu'on pense toujours le néant à partir de l'être, puisque je pense ma mort à partir de ma vie. Mais on ne peut vraiment concevoir pleinement le néant et cette espèce d'incapacité à concevoir le néant à partir d'autre chose que l'être donne le tournis à Paul Nizan. Il a envie de cesser cette espèce de vortex, de tourbillon permanent. Il a juste envie de pouvoir vivre avec cette idée qu'il lui faudra mourir un jour. Marx n'offre pas cette possibilité-là. Ni Marx, ni Lénine, ni le marxisme-léninisme, ni le communisme, il l'a vu, il s'en est rendu compte. Rien ne nous permet de le dire, aucun texte. Il ne dit rien. Trois mois d'un silence extrêmement pesant qu'il inflige à Rirette, sa femme, son épouse, qui valent, me semble-t-il, comme une espèce de sidération du personnage. Les chiens de garde, c'est un ouvrage qui paraît et qui développe une thèse qu'on trouve déjà dans un article qui s'appelle « Notre programme sur la philosophie » paru dans une revue qui s'appelle « Bifur » en décembre 1930. C'est-à-dire qu'il a 25 ans. Il y a vraiment un génie précoce chez Nizan qui dit, et c'est la thèse de notre programme sur la philosophie, qui dit « Je dis simplement qu'il y a une philosophie des oppresseurs et une philosophie des opprimés. » Philosophie des oppresseurs, philosophie des opprimés. C'est une façon très claire de faire rentrer la lutte des classes dans la philosophie. La lutte des classes, ce n'est pas une invention, c'est une vérité. Marx nous fait savoir qu'il y a des classes sociales, à l'époque bourgeoisie, prolétariat. Le bourgeois, je vous le rappelle, chez Marx, c'est celui qui possède les moyens de production. Le prolétaire, c'est celui qui ne possède pas les moyens de production. Et Marx nous fait savoir que chacun a des intérêts différents, divergents. Chacun défend un combat, ça n'est pas le même. La bourgeoisie défend un combat et le prolétariat en défend un autre. La philosophie dominante et institutionnelle, elle a pris parti pour une catégorie de la société, la bourgeoisie. Il faut, nous dit Nizan, une philosophie qui prenne position pour l'autre catégorie de la société, c'est-à-dire le prolétariat, les ouvriers. Il s'agit donc de faire entrer la lutte des classes dans la philosophie. En 1935, dans un texte qui s'appelle « Sur l'humanisme », Nizan écrit « Le temps revient de dire non pas les paroles de Platon, de Kant, mais celles d'Épicure. » Deux points, ouvrez les guillemets, ça passe pour une citation d'Épicure, « La chair crie pour être sauvée de la faim, de la soif et du froid. » La chair crie pour être sauvée de la faim, de la soif et du froid. On peut imaginer quel bruit ça peut faire, ce genre de thèse, dans l'atmosphère feutrée de l'École normale supérieure ou à la Sorbonne ou à l'université, cette idée que la philosophie devrait pouvoir servir des causes comme celle-ci. Le prolétariat, les gens modestes, les pauvres, ce que le regretté Pierre Sansot appelait les gens de peu, belle expression, et ces gens de peu qui sont oubliés. Eh bien, la philosophie les oublie, il faut que la philosophie cesse de les oublier, nous dit Nizan. La philosophie, la vraie philosophie, la nouvelle philosophie, elle devra s'occuper de ces gens-là. Il s'adresse, Nizan, aux apprentis philosophes. À l'évidence, il est lui-même un apprenti philosophe, mais avec un peu d'avance. Et il dit un peu à ses élèves de l'École normale supérieure qu'il a bien connu, qu'on leur sert un vieux vin dans des outres neuves. On défend toujours la même chose. C'est toujours le même monde qu'on défend et c'est toujours les mêmes prolétaires qu'on oublie. Les professeurs d'université et les professeurs au sens large du terme entretiennent leurs étudiants dans le mythe de la cléricature. Ils croient au pouvoir des idées. Ils ont l'impression, parce qu'ils ont fait une conférence, parce qu'ils ont débattu, parce qu'ils ont rédigé un article, parce qu'ils ont publié une étude dans une revue philosophique confidentielle, parce qu'ils ont fait paraître un ouvrage chez un éditeur spécialisé, à l'époque Félix Alcan, qui était l'éditeur de la philosophie. Ils ont l'impression, les philosophes, qu'ils ont produit des effets. Nizan dit « ça ne suffit pas, c'est un mythe ». Cette histoire du pouvoir des idées. Il ne faut pas croire que parce qu'on aura tenu un séminaire sur la République de Platon, comme le fait aujourd'hui Alain Badiou à l'École normale supérieure, qu'on aura produit des effets dans le réel des gens de peu. La distance est grande entre l'exégèse technique et scientifique d'un texte philosophique et puis les effets induits dans la vie quotidienne des gens. Nizan propose une thèse qui est assez nietzschéenne, on a eu l'occasion déjà d'en parler 100 fois. Il nous dit que la philosophie n'existe pas, mais qu'il n'existe que des philosophes. Ce n'est pas seulement une pirouette intellectuelle. C'est pas seulement une façon de séduire. Il a raison, ça ne veut rien dire, la philosophie. Rien à voir entre Platon et Épicure, par exemple. Ce sont deux antipodes. Donc il y a des philosophes, nous dit Nizan, et ces philosophes, ils sont dans le champ philosophique ou dans le champ intellectuel, ils sont là avec leurs intérêts de classe. Ils portent des intérêts de classe. Pour qui travaillent-ils? Quelles idées défendent-ils? Quel monde défendent-ils? Mais ce n'est pas la même chose quand la question est posée à Épicure ou quand elle est posée à Démocrite. Ce n'est pas la même chose si on pose la question à Léon Brunswick ou si on la pose à Paul Nizan. Ce n'est pas la même chose si on interroge un grand Ponte, Émile Boutroux, enfin ces philosophes de l'époque, ou Georges Politzer. Ce ne sont pas les mêmes. La philosophie, comme on dit, eh bien, elle sert toutes les causes possibles et imaginables. On a l'habitude d'entendre dire que la philosophie libère, que la philosophie, c'est la promotion de la raison, que la philosophie, c'est le progrès de l'intelligence, que la philosophie, elle accompagne le mouvement du monde vers sa propre réalisation, vers la réalisation de l'esprit absolu, pour le dire dans le vocabulaire de Hegel. Pas du tout, nous dit Nizan. La philosophie, c'est une espèce d'outil. Et un outil, ça sert à tout. C'est-à-dire que ça peut servir effectivement à réparer, mais ça peut servir aussi à blesser ou à tuer. Il y a des philosophies qui asservissent, il y a des philosophies qui libèrent. Nizan veut être un philosophe qui libère, et il sait que, globalement, depuis le début, on ne parle que de la philosophie qui asservit. Et il nous explique pourquoi et comment les philosophes ont asservi. Il parle également, et toujours dans une perspective assez nietzschéenne, même s'il ne revendique ni Nietzsche ni le nietzschéisme, mais plutôt Épicure et l'épicurisme, il nous dit qu'il n'y a pas de philosophie sans le corps des philosophes qui pensent, sans le corps des philosophes qui proposent un système, une vision du monde, et sans inscription non plus historique de ce corps. Le philosophe, c'est le corps d'un philosophe, et le corps d'un philosophe, c'est un corps qui est situé dans une histoire, dans un temps, dans une époque. Et ce n'est pas la même chose de se trouver, par exemple, pour ne garder que la Grèce antique, dans une cité spartiate ou dans la cité d'Athènes, par exemple, à Athènes ou à Sparte. Ça paraît des évidences. C'est étonnant qu'on ait besoin de devoir le dire. Mais pourtant, c'est ainsi que les philosophes fonctionnent. Ils pensent que les philosophes sont éthérés, sont des gens qui n'ont que conscience, intelligence, raison, une espèce d'âme immatérielle, de spiritualité, qui n'aurait rien à voir avec l'histoire. Et Nizan fait entrer, et Politzer aussi, les deux font entrer l'histoire dans la philosophie. Ça n'est pas pour autant qu'on peut imaginer que l'histoire, c'est de la philosophie. Et l'historien de la philosophie n'est pas un philosophe. Ça n'est pas parce qu'on aura bien expliqué Spinoza et Spinoza dans son temps, et éventuellement le spinozisme. C'est pas parce qu'on aura montré quelle filiation il y a entre Descartes et Spinoza, comment Spinoza lit tel ou tel texte de Descartes, que pour autant on aura fait un travail de philosophe, on aura fait un travail d'historien de la philosophie, ce qui n'est pas la même chose. Et souvent, dit Nizan, le professeur de philosophie fait de l'histoire de la philosophie et se présente comme un philosophe. Ce n'est pas la même chose dans l'esprit de Nizan. Il fait un éloge des Grecs en nous disant que les Grecs, eux, avaient le souci de la sagesse pratique. Et quand il parle des Grecs, il oublie qu'il associe également Lucrèce, et que Lucrèce est un Romain. Il va parler du matérialisme grec, il va parler de la pensée hellénistique, et il va nous parler de la pensée hellénistique comme d'une pensée soucieuse de sagesse pratique. On pourrait l'entreprendre là-dessus. Je pense que la philosophie grecque est plus souvent théorétique qu'elle n'est pratique, et que la philosophie pratique, c'est plutôt la philosophie romaine. Il nous fait donc, lui, globalement, l'éloge des Grecs. Il nous dit que le public du philosophe dans l'Antiquité, ça n'est pas l'agrégatif, ça n'est pas le doctorant, c'est le passant. C'est le mot qu'il utilise, c'est le passant. C'est donc le public au sens large du terme. C'est le peuple, si on veut utiliser le vocabulaire dans l'esprit de Michelet. C'est-à-dire qu'on est sur le forum, on est sur l'agora, des gens passent, ce sont des gens modestes, ils entendent une parole philosophique, ils se trouvent convertis à une sagesse pratique, et la philosophie, à cette époque-là, produit des effets. C'est ce à quoi aspire Paul Nizan. Il écrit, Nizan, « La philosophie d'Épicure garde un ton quotidien dont nous avons perdu le secret. » Un ton quotidien dont nous avons perdu le secret. Il a raison. Il réclame, Nizan, c'est une citation, « une véritable démocratie philosophique », et il pense que la déconstruction épicurienne nous le permettra. Il s'agit donc de montrer comment s'articule la pensée, la philosophie, le philosophe, le corps du philosophe, l'histoire, la situation historique dans laquelle il se trouve, pour pouvoir savoir ce qu'est une pensée, comprendre ce qu'est une pensée. Ferdinand Alquier avait écrit un petit livre qui s'appelait « Qu'est-ce que comprendre un philosophe ?» Et il concluait en disant, saisir le mouvement interne qui conduit vers la manifestation de l'esprit, on peut le dire comme ça, mais on peut aussi essayer de voir quelle cohérence il y a entre la vie, l'œuvre, la pensée, la biographie, l'existence philosophique, et éclairer parfois la pensée avec la biographie, voire l'inverse. Et on verra effectivement qu'on peut peut-être plus et mieux comprendre un philosophe dans cette perspective-là. C'est du moins ce que j'essaie de faire depuis 10 ans à l'Université populaire. Nizan nous dit que la vérité d'une pensée n'est pas dans la pensée elle-même, mais dans ce qui la rend possible, dans ses conditions de possibilité. Les idées ne tombent pas, elles ne tombent pas du ciel, ne viennent pas d'un ciel des idées platonicien, mais elles sont sollicitées par des besoins, par des nécessités, par des obligations. Et si une question se trouve un jour posée par un philosophe, c'est qu'en amont, l'histoire aura conduit à cette question-là. Il est très violent, je vous le fais comme ça sérieusement, mais il y a des moments très violents chez Nizan, avec des phrases très assassines sur tel ou tel. Il parle de la philosophie institutionnelle à un moment en disant que c'est un ouvrage de dame, une broderie de vieille fille stérile. Nizan nous dit qu'il y a deux types de philosophie, deux façons de philosopher. Une première philosophie se propose la connaissance du monde. Et la plupart du temps, elle prolonge et elle commente la science. Et puis l'autre se soucie de l'existence des hommes. Et là, le souci des problèmes concrets. Comment vivre, comment vieillir, comment mourir, comment aimer, quel type de rapport entretenir aux honneurs, à l'argent, au pouvoir, aux richesses, etc., etc. La première, de façon emblématique, c'est Kant. Prenez Kant, enfin pas tout Kant, mais ce qu'on appelle le criticisme kantien. Prenez la critique de la raison pure, qui passe pour un monument, et de fait c'est le monument de la philosophie bourgeoise. La question de la critique de la raison pure, c'est comment des jugements synthétiques a priori sont-ils possibles ? On va dire extraordinaire comme question. Tout le monde se la pose à un moment donné de son existence, probablement. Donc on voit bien que la philosophie qui cherche à savoir qu'est-ce que connaître, comment on connaît, quelles sont les conditions de possibilité d'une connaissance, et qui passe par les catégories, qualité, quantité, relation, modalité, etc. Enfin, toutes les choses qu'on trouve dans la critique de la raison pure, on se dit tout ça c'est très bien, mais à quoi ça sert, si ce n'est à fabriquer des philosophes ou des professeurs qui vont fabriquer des philosophes et des professeurs, qui, etc. C'est-à-dire on entretient la discipline avec cette philosophie de la connaissance. En revanche, avec la philosophie pratique, on s'en va du côté des gens, du côté du peuple, du côté des gens modestes, du côté des passants, et on va leur proposer des occasions d'exister autrement, différemment, des occasions de vivre, bien vivre, mieux vivre, donc de bien mourir. Il nous dit que la philosophie, elle a beaucoup promis, et peu tenu. Et il prend l'exemple des gens qui ont connu la Première Guerre mondiale et qui ont vu que la philosophie n'a pas servi à grand-chose. La philosophie n'a pas servi à arrêter les guerres, à empêcher les guerres. Pour un Jaurès qui a lutté contre, combien de philosophes ont plutôt lutté pour ? Donc Nizan considère que si la philosophie, ça ne sert pas à empêcher les guerres, alors ça ne sert à rien. Ou cette philosophie-là, du moins, elle n'est pas défendable. Elle doit, la philosophie, celle à laquelle Paul Nizan aspire, elle doit s'occuper des vrais problèmes, des vrais gens, du peuple, véritablement. Et il nous dit, les vrais problèmes, ils sont simples. C'est l'exploitation des ouvriers dans les usines. Ce sont les saignées que la Première Guerre mondiale a pu apporter au corps français, au corps national français, au corps du peuple français. Ce sont les questions comme l'avortement. Nizan et Rirette ont participé, ont assisté à des avortements clandestins. Ils connaissaient les dangers des avortements clandestins, la mortalité, le risque encouru par les faiseuses d'anges qui pouvaient risquer à l'époque la peine de mort. Donc ils savent que c'est un problème et que les philosophes doivent s'emparer de ces problèmes-là, que les philosophes doivent également méditer, penser, réfléchir, analyser la question de l'exploitation coloniale. Vous vous souvenez, il est allé à Aden, en Arabie, il a vu le colonialisme, même si finalement il n'a pas été rebelle ici et maintenant, sur place. Le temps de la réflexion lui a montré que de fait ce qu'il avait vécu c'était une situation coloniale. Il a considéré qu'il fallait se rebeller contre cette situation coloniale et que le travail du philosophe c'est aussi ça, dénoncer le colonialisme. C'est dénoncer le suicide. Qui se suicide ? Pourquoi on se suicide ? Durkheim avait fait une grosse étude sur ce sujet-là. On le voit bien aujourd'hui. Le suicide, il a des causes. Ces causes, elles sont sociales. Même si on prétend qu'elles sont psychologiques ou qu'elles sont génétiques ou qu'elles sont... Enfin, tout ce qu'on voudra, il n'empêche qu'il y a un terreau historique, sociologique. Le philosophe travaillera sur ces questions-là. Il abordera la question sociale, ce qu'on appelait la question sociale au XIXe siècle, c'est-à-dire le prolétariat, l'ouvrier, le rapport au pouvoir, le rapport à ce que Proudhon appelait l'aubaine, c'est-à-dire les bénéfices que le patronat fait sur le travail des ouvriers, des bénéfices qui sont confisqués par le patronat et jamais distribués aux ouvriers. Comment est-ce qu'on peut sortir les enfants des mines et les envoyer à l'école? Et comment est-ce que les ouvriers peuvent travailler moins, être payés mieux, etc., etc. Question sociale. Et puis le chômage. Nizan dit il faudra qu'on s'occupe aussi du chômage. Donc vous voyez bien que ça n'est pas Bergson. Ça n'est pas non plus Léon Brunswick, qui sont des philosophes qui s'occuperaient de l'avortement, de la contraception, de l'exploitation des ouvriers dans les usines ou de ce genre de questions éminemment concrètes. Épicure, lui, s'occupait des choses concrètes, nous dit Nizan. Il écrit « Lorsque Démétrios, qui était un élève des aristotéliciens, Démétrios, lorsque Démétrios assiégeait Athènes, Épicure marchait au milieu des Athéniens. Épicure prenait parti. » Et c'est vrai, même si on sait peu de choses de la vie d'Épicure, ce qu'on sait, c'est qu'il a été engagé dans la cité avant de se désengager de cette cité pour fabriquer le jardin, on y arrivera. Mais Nizan pense à partir de ça. Le concret, le social, la réalité humaine, il s'agit de faire du philosophe le penseur du concret. Comment est-ce que ce réel, l'avortement, la contraception, la misère ouvrière, etc., comment est-ce que ce réel disparaît ? Nizan fait l'analyse de cette disparition. Il montre comment on fait disparaître le réel. Et vous allez voir, l'analyse est assez efficace. Il nous dit qu'il y a dans les philosophes, chez les philosophes, des philosophes satisfaits et des philosophes insatisfaits. Les philosophes satisfaits collaborent. Ils se contentent du monde comme il est, n'ont pas envie de le voir changer. Les universitaires, les institutionnels, les profs à l'école normale, les libéraux qui défendent le capitalisme, etc. etc. Et il prend des exemples, Leibniz, Brunswick, Bergson. Et puis, il y a des philosophes qui résistent. Ce sont les philosophes insatisfaits. Ils veulent un autre monde. Ce sont des penseurs rebelles, ils sont rétifs, révolutionnaires. C'est ce que j'appelle les consciences réfractaires. Vous savez que c'est le titre de cette année. Et ils donnent des noms, et à plusieurs reprises, pas seulement dans cet ouvrage, Épicure, Spinoza, Rousseau et Marx. Et l'organisation de la disparition du réel, elle se fait avec l'idéalisation du monde, avec la transformation du caractère concret du réel en idées, en concepts, en notions. Alors on parle de progrès dans l'histoire, avec des majuscules, de mouvement de la raison, d'incarnation de la raison dans l'histoire, de liberté abstraite, et tout ça avec une scolastique qui en fume beaucoup. Le nom de Hegel n'apparaît pas, mais on voit bien qu'il est en filigrane. Il renvoie à Brunswick, il renvoie à Victor Cousin, qui a fabriqué une philosophie qu'on a appelée éclectique, c'est une espèce de mélange d'un petit peu de tout, et qui considérait que sa philosophie était essentielle, alors qu'en fait, la philosophie n'a pas compté pour beaucoup, mais il a joué un rôle institutionnel majeur dans la construction de l'enseignement de la philosophie au XIXe siècle. Et donc, quand Nizan parle de Cousin, il pense un peu à Hegel et à l'hegelianisme. Alors là, il faudrait rentrer dans le détail. Il y a un moment hegelien dans la vie de Victor Cousin, et Hegel est aussi un personnage qui a joué un rôle majeur chez Marx, mais dans un temps particulier de Marx. Il y aura un temps épicurien chez Marx, puis il y aura un temps hegelien, il y aura un temps critique de l'hegelianisme, et donc on sent bien qu'il y a plein de sous-entendus intellectuels chez Nizan quand il attaque cette façon de parler du réel, c'est-à-dire les mouvements de la raison, l'idée, l'incarnation du concept dans l'histoire, ou ce genre de choses. Et évidemment, quand on fonctionne comme ça, le réel se trouve congédié au profit du concept. Il prend un exemple qui est celui de la guerre. Il dit, voilà, la guerre, c'est une réalité. Des gens tuent d'autres gens, massacrent d'autres gens. Mais ça devient autre chose sous la plume des philosophes. Ça devient une espèce de combat éthique. Ça devient une justification de l'hygiène d'une civilisation. On y joue son être et son âme. En même temps, donc, on y joue l'être de la civilisation. Je renvoie à Junger, aux analyses de Junger, le Bocto 125 ou Orage d'acier, ou toute cette littérature-là qui sublime une réalité détestable. Il faut dire de cette réalité qu'elle est détestable. Et sur cette question de la guerre, Nizan écrit « La guerre ne fut point cette série de combats, d'incendies, cet entassement de morts répugnantes, de jours d'ennui et d'assassinats, ces vagues de gaz, ces couteaux des nettoyeurs de tranchées, cette vermine et cette crasse humaine que les combattants connurent, mais la lutte du droit contre la force, mais la bataille de Descartes contre Machiavel, de M. Bergson contre la machine allemande. Non point un jeu sanglant au profit des fabricants d'armes, mais une croisade philosophique, une bataille d'esprit. » Donc voilà comment on peut congédier, voire conjurer le réel, le concret, en faisant effectivement l'occasion d'un débat d'idées, ou en hissant le débat sur le terrain conceptuel, intellectuel, où on va faire fonctionner des grands concepts, des grandes notions, la raison, le progrès, le droit, la force, etc. On avait eu l'occasion de voir comment, effectivement, Bergson faisait fonctionner tous ces concepts-là, comment il jonglait superbement pour finir par dire qu'il fallait mettre une pâtée aux boches. Eh bien, il en va de même pour d'autres sujets. La misère est traitée pareillement, l'exploitation pareillement, le colonialisme, c'est la même chose. On ne parle jamais de la vie quand on fait des études de philosophie, mais on va parler de l'idée de la vie. Et le jury d'agrégation, quand il vous interroge, ne vous interroge jamais sur le monde, mais sur les conceptions qu'on a du monde, sur les idées du monde, sur le concept qui peut dire le mieux ou qui approche le mieux la réalité du monde. Mais le monde réel ou le monde concret, on n'en veut pas. Et les philosophes professionnels ou institutionnels disent effectivement qu'on tire la philosophie vers le bas quand on parle effectivement de misère, de pauvreté, d'exploitation, de peuple, de prolétariat, etc., etc. Il y a une construction du pouvoir des clercs. Donc on évacue le réel à partir du concept, on utilise le concept pour évacuer le réel, et on fait fonctionner l'institution. Comment fonctionne-t-elle l'institution ? Eh bien, la bourgeoisie salarie des philosophes qui appointent l'idéologie de la bourgeoisie, c'est-à-dire qu'elle va donner une fonction, un diplôme, un statut social à des individus qui vont défendre l'idée que la bourgeoisie défend elle-même. Il faut donc verrouiller les conditions d'accès aux écoles qui fabriquent ça, sélectionner les individus, ils doivent provenir du bon milieu social. Il faudrait faire encore aujourd'hui une sociologie des gens qui entrent à l'école normale supérieure, on y trouverait sûrement très peu de filles et de fils d'ouvriers, on y trouverait sûrement peu d'enfants qui proviennent des banlieues, etc., etc. C'est bien qu'il y a un système de reproduction sociale, pour le dire dans le vocabulaire de Bourdieu, et que tout ça n'est pas un hasard. Donc on sélectionne l'accès à ces écoles-là pour fabriquer une élite qui va devenir évidemment redevable. On multiplie les labyrinthes intellectuels, il y a donc des codes qu'il faut posséder, les enfants de la bourgeoisie possèdent ces codes. Les enfants de la classe ouvrière ne possèdent pas ces codes-là, bien sûr. Et une fois parvenus au pouvoir, eh bien, cette élite-là va défendre l'idéologie de ceux qui lui donnent, qui la pointent, qui lui permettent de vivre. Cette élite active, nous dit Nizan, une philosophie bourgeoise exotérique qui est tournée vers le dehors, qui exprime en quelques formules réduites ce qu'on doit savoir de la philosophie. Il nous dit de la philosophie qu'elle est une simplification de celle qu'elle se réserve. Elle est, c'est une citation, hein, « comme une image d'épinal de la première, comme une simplification à l'usage de ces déshérités de l'intelligence qui forment ce que la bourgeoisie appelle le peuple ». C'est-à-dire qu'on prétend que c'est compliqué, on prétend que c'est long, on prétend que la philosophie, on prétend qu'il faut être cultivé, qu'il faut des dispositions pour ça, et qu'on a passé un long temps pour parvenir à des conclusions. Et ces conclusions, on les assène sans montrer les démonstrations. On fait l'économie des démonstrations en disant « faites-nous confiance, nous nous savons ». Vous ne savez pas, on va vous dire ce qu'il faut croire et penser. Et il y a, nous dit Nizan, des gens qui par la suite, par l'exemple de l'inspecteur général, des gens qui par la suite vont produire, reproduire cette idéologie-là, et le corps enseignant qui va accepter cette idéologie-là, parce qu'il en va de sa promotion, de sa propre existence. Et au sommet de cette hiérarchie, on a les professeurs d'université, nous dit Nizan, qui sont assimilables à des gardes mobiles, c'est une expression qu'il utilise, et qui rédigent des manuels. Donc vous avez effectivement une élite universitaire qui vous fabrique un corpus. Ce corpus, il est enseigné à partir du haut et avec des inspecteurs généraux et puis des professeurs d'université. On fabrique des manuels qui constituent des catéchismes. Et ce catéchisme-là devient une morale laïque qu'on vous présente comme l'horizon indépassable de la pensée ou de la réflexion. Au bout du compte, ce catéchisme républicain, idéaliste, spiritualiste, qui finalement formule dans un vocabulaire nouveau la vieille idéologie judéo-chrétienne, eh bien, ce catéchisme-là, il défend l'ordre bourgeois, il nous demande de respecter la patrie, le drapeau, il nous dit qu'il y a des valeurs de la démocratie bourgeoise et qu'on ne peut pas en connaître ou en célébrer d'autres, il faut défendre l'ordre social, il faut justifier la collaboration de classe, etc., etc., etc. Nizan utilise l'expression « la vie mutilée ». C'est intéressant de trouver cette expression-là sous sa plume parce que on la retrouve chez Adorno et on pense la plupart du temps, quand on dit « vie mutilée », on pense que c'est une expression d'Adorno. qui avait titré Minima Moralia, un ouvrage qui rassemblait des notes prises entre 44 et 47, et le sous-titre de Minima Moralia, c'était Réflexion sur la vie mutilée. La vie mutilée, chez Nizan, elle caractérise l'existence malheureuse des ouvriers, des manœuvres, les gens de peu dont je parlais tout à l'heure, les gens qui travaillent à la chaîne, les employés, les chômeurs, et les individus dévorés par la technique, la machine et les grandes logiques de la révolution industrielle. Ces hommes sont interdits de jouissance, interdits de bonheur, pressurisés, abîmés par le léviathan social et industriel. Cette philosophie-là, nous dit Nizan, sert à détourner les exploités de la contemplation périlleuse pour les exploiteurs, de leur dégradation, de leur abaissement. Elle a pour mission de faire accepter un ordre en le rendant aimable, en lui conférant la noblesse, en lui apportant des justifications. Elle mystifie les victimes du régime bourgeois, tous les hommes qui pourraient s'élever contre lui. Elle les dirige sur des voies de garage où la révolte s'éteindra. Elle sert la classe sociale qui est la cause de toutes les dégradations présentes, la classe même dont les philosophes font partie. Elle a enfin pour fonction de rendre clair, d'affermir et de propager les vérités partielles engendrées par la bourgeoisie et utiles à son pouvoir. Voilà ce qu'il nomme le chien de garde. Le chien de garde, c'est celui effectivement qui est là, payé par le bourgeois pour entretenir l'idéologie, pendant qu'en face, il nous manque des philosophes qui ne voudraient pas de cette oppression-là. Je voudrais vous dire aussi que dans ce texte-là, j'ai souhaité vous le faire savoir parce que ça m'a semblé d'une étonnante actualité, Nizan fait un portrait terrible de la crise. On est avant-guerre. Ce sont donc les conditions de possibilité de la guerre que nous savons, la Deuxième Guerre mondiale. Nizan écrit en 1932 que cette crise, elle est manifeste dans plusieurs endroits. Augmentation du chômage, accroissement de la pauvreté, généralisation de la misère, répression des manifestations dans la violence, effondrement des banques, montée des périls, menace de guerre. Il nous dit dans cette configuration-là, la révolution russe, elle représente un espoir. Pourquoi est-ce que personne n'en parle ? Nous dit Nizan. Pourquoi est-ce qu'il y a un grand silence organisé sur la révolution russe ? Il y a un silence des intellectuels qui est sidérant, nous dit Nizan à cette époque-là. Et à cette époque-là, il avait raison. Pour essayer de comprendre pourquoi il y a ce silence, il propose quelque chose de très étonnant, qui est une contre-histoire. On oublie toujours qu'on a lu des choses et on a l'impression, quand on croit inventer un concept, qu'on en est à l'origine. Et puis on découvre un jour qu'on n'en est sûrement pas à l'origine, puisque un jour on a lu ce livre-là, puisqu'on a mis une petite marque au crayon à papier dans la marge quand on l'a lu une première fois. Donc voilà ce que j'avais annoté dans une lecture très ancienne de mon exemplaire des chiens de garde. Nizan écrit « Il faudrait constituer patiemment une anti-histoire de la philosophie » pour essayer de montrer comment cette anti-histoire, que d'autres ont appelé contre-histoire, comment cette anti-histoire, elle explique qu'il y a eu une philosophie dominante et puis une philosophie dominée. Il y a deux avenirs, nous dit Nizan, à la philosophie. L'une, elle est simple, hein, c'est la philosophie qui justifie les choses comme elles vont, et bien elle justifiera le fascisme, nous dit Nizan. Et puis l'autre, elle se recroquevillera sur des sagesses pratiques bourgeoises, les petites histoires personnelles, les intérêts de tout un chacun. Il veut, Nizan, un ralliement à la pensée de Marx et de Lénine. Les choses sont clairement dites. Il dit « Le type vers lequel tend le philosophe des exploités est celui du révolutionnaire professionnel décrit par Lénine. Ce révolutionnaire, ce philosophe révolutionnaire, s'oppose au clair contemplatif établi par la pensée bourgeoise. Il s'agit, et c'est un programme, il s'agit d'embrasser le parti terrestre des hommes, donc de se mettre au service des ouvriers, d'être l'homme d'un parti. » Il le dit très précisément. Il faut se mettre au service d'un parti. Il faut être un soldat. Il faut être un militant et en même temps un soldat. Le philosophe pour Nizan, ce n'est pas celui qui s'enferme dans un colloque à Cerisy, on dirait aujourd'hui, mais c'est quelqu'un qui pratique les assemblées syndicales. Il faut vouloir la pratique et l'action, dénoncer l'exploitation et l'aliénation. Il faut élaborer, nous dit-il patiemment, les techniques de la libération. C'est une phrase importante, élaborer patiemment les techniques de la libération, parce que ça veut dire que Lénine n'a pas tout dit. Ça veut dire que Marx n'a pas tout dit. Et qu'être marxiste-léniniste, ça ne veut pas dire aller chercher quelque chose qui existerait déjà dans le corpus pondu par l'un et l'autre. Mais il faut élaborer patiemment les techniques de la libération. Il le fait concrètement, ce travail, Paul Nizan, c'est-à-dire il est candidat aux législatives, sous l'étiquette du Parti communiste, il fabrique des comités de soutien, il va voir des chômeurs, il milite, il colle des affiches, il tracte, etc., etc. Et puis Thorez lui demande, souvenez-vous, il est donc responsable, il est permanent au Parti communiste, de travailler au rapprochement avec les chrétiens. Ça, c'est la stratégie des communistes, du Parti communiste français, en mai-juin 1935. Et Bon petit soldat, Nizan obéit. Il rencontre Emmanuel Mounier, qui est à l'époque le directeur d'Esprit, revue catholique. Et puis il donne des conférences chez les Dominicains. Et dans l'Humanité, il écrit le 3 avril 1937 que certains croient au ciel, d'autres croient à la terre, mais que finalement, entre ceux qui pensent que le paradis peut être sur terre et d'autres qui pensent que le paradis peut être au ciel, eh bien, il y a sûrement des points de jonction. Donc on voit le normalien qui fait vraiment des efforts dialectiques et qui montre une belle sophistique pour essayer de montrer que la carpe et le lapin peuvent se marier pour produire je ne sais quoi de très intéressant, mais avec une chair sûrement pas très aimable. Il nous dit que le compagnonnage est possible et il célèbre, ouvrez les guillemets, la collaboration de certains curés de banlieue avec des maires communistes. Je pense simplement que là, il y a un militant qui obéit, alors qu'au fin fond de lui-même, et c'est ce fin fond de lui-même qui va dire non au pacte germano-soviétique, et on conclura les séances sur Nizan avec ce sujet-là, il y a effectivement un homme qui se rebelle, ou qui pense, ou qui réfléchit, ou qui est lucide. Il obéit, d'accord, mais par-devers lui, il voit bien que tout ça ne marche sûrement pas très bien et qu'on pourrait faire autre chose ou autrement. Il propose ce que moi j'appelle un bolchevisme épicurien. Ça paraît assez oxymorique, le bolchevisme et l'épicurisme, mais pas forcément. Fermons ce livre, Les chiens de garde, pour ouvrir l'autre, le matérialisme de l'Antiquité, dont je vous disais tout à l'heure que c'était un petit peu comme le contrepoint de ce premier ouvrage. 36, hein, le matérialisme de l'Antiquité, ça paraît aux éditions sociales internationales, c'est un succès de librairie à l'époque, 6000 exemplaires vendus. L'ouvrage se présente comme une biographie des philosophes, et suivi d'une anthologie, biographie plus une présentation de la pensée de ces philosophes-là, et puis des morceaux choisis. Et on a l'impression d'un travail très universitaire ou à destination du grand public. Et pourtant, il y a plein d'occasions de voir que ce sont des petites piques qui sont envoyées en direction du Parti communiste, d'un responsable du Parti communiste, de Cognot, de Canapa, des gens qui, à l'époque, ont écrit ou dit des choses sur ce sujet-là. Par exemple, il émet des réserves sur Démocrite, en nous disant qu'il est prisonnier de la métaphysique de Parménide. A priori, débat technique, il faut connaître la métaphysique de Parménide, savoir pourquoi la pensée de Démocrite serait prisonnière encore de la métaphysique parménidienne. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en critiquant Démocrite, c'est d'une certaine manière Lénine qu'on attaque, puisque Lénine a pris position, lui, en faveur de Démocrite. Il y a un débat aussi sur les usages de Démocrite ou d'Épicure. De Démocrite, le philosophe de la nécessité, et d'Épicure, le philosophe de la liberté. La nécessité, c'est ainsi, ça ne peut pas être autrement. Donc évidemment, avec une pensée comme celle-ci, pensée de la fatalité, de la nécessité, du déterminisme, la révolution n'a pas sa place. L'épicurisme, lui, dit il y a ce qu'il appelle un clinamen. Épicure parle du clinamen, encore que c'est fautif. Nizan le dit, mais ce n'est pas vrai. Épicure n'en parle pas. C'est Lucrèce qui en parle et il fait dire à Épicure ce que Lucrèce dit. Mais donc, les atomes tombent dans une pluie verticale dans le vide. Il n'y a que ça. Et à un moment donné, un atome part dans un sens, une espèce de déclivité, c'est ça le clinamen, une déclinaison. Et en partant dans un sens, il va rencontrer un autre atome, puis rencontrer un autre atome, et le début du monde se constitue ainsi. Mais alors d'où ça vient? Pourquoi cet atome, un jour, il décide de... Effectivement, la philosophie de la liberté chez Épicure, elle reste une philosophie kantienne parce qu'elle rend possible la liberté. Elle nous dit il y a de la liberté. Et si de liberté il y a, alors la révolution est possible. Philosophie de la nécessité chez Démocrite, pas de révolution possible. Philosophie de la liberté chez Épicure, la liberté est possible. Normal que Paul Nizan prenne position pour Épicure. Comment peut-on être communiste et épicurien? C'est tenable, il me semble, et on le voit bien dans ce travail de Paul Nizan. J'ai lu probablement tout ce qui s'est écrit sur Nizan. On ne parle jamais de ce texte. Grand silence. On ne sait pas d'où ça vient, d'où il vient, si c'est une commande, si ce sont les éditions sociales. Ça n'est pas un travail universitaire. Il a fait à l'époque son diplôme d'études supérieures sur un sujet particulier, fonction du meaning, mot, image et schème. C'était le titre de son travail. Il avait d'ailleurs une mention bien. On ne sait pas d'où ça vient. Toujours est-il que ce texte existe. D'abord, il utilise la méthode qu'il enseignait déjà dans les chiens de garde. Il nous dit « Un philosophe n'est compréhensible qu'avec son histoire, dans son histoire, par son histoire. » L'histoire biographique personnelle, mais la biographie de l'époque aussi. Qui est-il, cet Épicure? Que faisaient ses parents? Quel était le métier des parents? C'est quoi l'époque d'Épicure? Ça ressemble à quoi, la Grèce, à cette époque-là? Donc, il nous le raconte. Il parle des conditions historiques, sociologiques, économiques et politiques de l'émergence d'un philosophe qui s'appelle Épicure Hippin, de la pauvreté du milieu familial, de la vie sur une ferme coloniale, des conditions de réfugié de ses parents, son père maître d'école, la misère de la famille, l'aide qu'Épicure lui-même apporte à ses propres parents. Il parle d'un premier temps d'Épicure qui est un temps d'implication dans la politique, puis un second temps qui est un temps de retrait, ce sera le temps du jardin, bien sûr, et il y a un moment où Épicure comprend que peut-être on a fait le tour de ce qu'on croyait faisable, pensable, sur le terrain concret politique, et que peut-être la solution politique, elle passe par la fabrication d'une micro-communauté, le fameux jardin. C'est Léontéus et Idoménée qui sont des individus qui rendent possible le jardin, et ça c'est très intéressant, il n'y a que chez Nisan qu'on trouve cette information-là, parce qu'on dit, voilà, il y a un jardin d'Épicure, d'accord, mais ça coûte combien ? Qui l'a payé ? Comment l'a-t-il financé ? C'est très intéressant de voir comment ça participe d'un don de disciples et on voit bien comment se structure et se constitue un jardin qui sinon est resté mystérieux. Il parle des voyages d'Épicure, de sa maladie, de sa mort à l'âge de 72 ans et il décrit en même temps l'effondrement d'une civilisation, il donne les preuves de cette décadence. Il est question donc de l'Athènes du IVe siècle avant Jésus-Christ ou avant l'ère commune, comme on dit. Paupérisation. Vous connaissez l'histoire, les pauvres sont de plus en plus nombreux et de plus en plus pauvres, les riches sont de moins en moins nombreux et de plus en plus riches, et le grand écart se fait de plus en plus important. Paupérisation, le colonialisme, le désordre, l'angoisse, les émeutes, les changements de gouvernants, la guerre entre les partis qui s'arrachent le pouvoir, des insurrections noyées dans le sang, suppression des allocations destinées aux gens modestes, puisqu'à l'époque, quand on était modeste et qu'on assistait, qu'on fabriquait la démocratie, eh bien, on était payé. Eh bien, évidemment, quand on ne paie plus ces gens-là, seuls les riches peuvent s'occuper de politique. Et effectivement, il y a une abolition de la démocratie dans ces conditions-là. On passe à la timocratie, c'est l'État censitaire. Vous pouvez faire de la politique si vous avez de l'argent, si vous êtes un riche. Évidemment, vous allez faire la politique des riches, la législation en faveur des riches, l'augmentation du prolétariat, la concurrence généralisée, le travail des esclaves, le chômage, l'arrêt des chantiers publics, l'arrêt du versement du traitement des fonctionnaires, vous allez voir. L'exportation des chômeurs qui sont devenus des mercenaires, le développement d'un capitalisme de crédit, c'est sous la plume de Paul Nisan qui nous décrit la Grèce d'Épicure. Développement d'un capitalisme de crédit, l'émergence de nouveaux riches et de nouvelles fortunes, la disparition des classes moyennes, les artisans, les petits propriétaires et les marchands, la débauche, la prostitution organisée, et puis ça, j'aurais pas pu l'inventer, hein. La transformation en déesse des femmes avec qui le tyran a couché. C'est chez Nisan, transformation en déesse des femmes avec qui le tyran, Démétrios en l'occurrence, a couché. Les dictatures, la violence politique, et puis surtout des rêves de socialisme et des rêves de communisme utopique. Il écrit en synthèse « Le sang, les incendies, les meurtres, les pillages, de point, monde d'Épicure ». L'alternative, elle est là, Platon ou Épicure, c'est-à-dire les philosophes qui oppriment, Platon, ou les philosophes qui libèrent, Épicure. Les philosophes satisfaits, Platon, les philosophes insatisfaits, Épicure. Les philosophes platoniciens, Léon Brunswick, Bergson, ou les philosophes qui s'opposent à cette façon de faire les choses, Georges Bolitzer ou Paul Nisan. Il entretient de Platon, il nous dit, il a une belle formule, il nous dit « Platon, c'est une sorte de grand Joseph de Maistre païen ». Et Joseph de Maistre était un contre-révolutionnaire, catholique, monarchiste, très opposé à la Révolution française. Et de fait, l'image correspond assez bien à Platon, qui était un aristocrate, c'est-à-dire un fils de citoyen, et qui ne savait pas ce que c'était qu'être métèque, c'est-à-dire étranger domicilié. C'est un homme qui pense par les hommes et pour les hommes, qui est très misogyne, qui considère les femmes comme des choses ou comme des objets. Très élitiste, il enseigne, et ça on le sait depuis peu, mais il y a deux enseignements chez Platon, un enseignement ésotérique et un enseignement exotérique. L'enseignement ésotérique, par définition, il est scellé, il est caché, il est réservé à des disciples et il est oral. Donc on ne sait pas ce qu'il est, véritablement, parce que Platon prélevait un certain nombre d'individus qu'il avait estimé être dignes de recevoir cet enseignement ésotérique, qui passait par les mathématiques, les chiffres, les nombres et la contemplation des idées. Il fallait fabriquer, c'est une espèce d'ENA, si vous voulez, de l'époque, d'école normale de l'administration, où on fabriquait les gens de pouvoir, et ces gens de pouvoir, on leur demandait de réaliser la justice, c'est le sous-titre du dialogue de Platon, La République, hein, de réaliser la justice étant ce que moi j'appelle l'injustice, c'est-à-dire une société hiérarchique, qui fait qu'au sommet, vous avez le pouvoir spirituel, le roi, le prince, et puis les gens qui l'entourent. À la base, vous avez les prolétaires qui fabriquent ce qui permet de manger, puis entre deux, eh bien, vous avez la police, les policiers, les militaires qui empêchent que les uns contaminent les autres, que la base cherche à parvenir au sommet. Ça, c'est la justice, nous dit Platon, et c'est ce vers quoi il propose d'aller en termes de philosophie. Il s'agit de défendre la monarchie, monarchie des philosophes, soit le philosophe-roi, soit le roi-philosophe. On prend un philosophe, on en fait un roi, ou on fait avec le roi et on en fait un philosophe. Et pas n'importe quel philosophe, bien sûr, mais un philosophe platonicien. Donc un philosophe qui considère que le peuple, il est là pour trimer, pour travailler, pour produire, pour faire de telle sorte qu'au sommet, on puisse gérer les affaires et manger tout son comptant. 40 ans plus tard, c'est le temps qui sépare Platon d'Épicure, Épicure fabrique son jardin. Et dans son jardin, bien évidemment, c'est l'anti-république de Platon. Là où on a un enseignement ésotérique, l'enseignement exotérique étant réservé au plus grand nombre, eh bien, l'enseignement chez Épicure, il est totalement démocratique. Épicure, il accepte les hommes, les femmes, les métèques, donc les étrangers domiciliés, les esclaves, donc les gens qui n'ont pas de droit de cité, les vieux, les jeunes, les gens qui ont du savoir, des gens qui n'ont pas de savoir, etc. Tout le monde peut y venir. Il s'agit de réaliser son salut personnel. On ne croit plus à la politique, on ne croit plus à la communauté, on ne croit plus que la justice puisse exister, la vertu, le progrès, le droit puissent exister. On sait que ce sont des grands mots, dit Épicure. Eh bien, enfin, il ne le dit pas, mais dans l'esprit d'Épicure, on choisit une autre solution. Non pas changer l'ordre du monde, mais se changer, pour le dire dans l'alternative proposée par Descartes. Et c'est une proposition de salut personnel que nous offre Épicure et que nous offre aussi Nisan. Nisan nous dit que c'est un grand tournant, c'est un grand moment dans l'histoire de la pensée grecque. C'est un grand moment de repli. Cette sagesse-là, elle a fait l'économie, a priori, mais on va voir que c'en est une tout de même, elle a fait l'économie d'une certaine façon de faire de la politique. Mais elle fait quand même de la politique. On fait de la politique dans le jardin d'Épicure, parce qu'on sauve des corps, et parce qu'on s'occupe d'un bonheur ici et maintenant, et pas forcément d'un bonheur à venir demain ou après-demain, etc. La philosophie d'Épicure, la sagesse matérielle ou matérialiste d'Épicure enseigne, citation, « le secret de ne pas mourir désespéré ». Le secret de ne pas mourir désespéré. Vous voyez bien que le communiste qui est Paul Nisan a envie d'être épicurien. Il veut bien la communauté, il aspire à la communauté, mais en même temps, il ne veut pas mourir désespéré. Et il sait que Épicure proposait des solutions pour ne pas mourir désespéré. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des sous-entendus, qu'il fallait lire entre les lignes ou entre les mots et voir que des choses étaient dites, étaient murmurées plus que dites. Et on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas une critique du matérialisme dialectique avec ce matérialisme antique, puisque le matérialisme antique d'Épicure sauverait, là où le matérialisme prétendument scientifique de Marx ne sauverait pas, n'aborderait même pas les questions. On peut donc envisager, et c'est mon hypothèse, que Épicure est un genre de machine de guerre antisoviétique. D'abord, il critique la puissance de la logique, et ça, c'est dans le texte même d'Épicure. Épicure nous dit... Ce qui est important, c'est d'être heureux. Et la philosophie, elle est intéressante quand elle nous permet d'être heureux. Tout ce qui, dans la philosophie, nous permettra ça, c'est bon, on le prend. Tout ce qui ne permet pas ça, on n'en a rien à faire. Donc la logique, la sophistique, toutes ces histoires-là, l'étude des syllogismes ou des formes de rhétorique ou ce genre de choses, ça ne sert à rien, dit Épicure. Ça ne sert à rien. On va directement au sujet. Donc, on sent bien que là aussi, il y a une critique de la scolastique matérialiste dialectique et que quand on tergiverse sur un certain nombre de problèmes économiques, par exemple dans le capital, on évite les vraies questions. Comment ne pas mourir désespéré? Comment vivre heureux? Comment vivre cette vie puisqu'il va nous falloir mourir? Cette critique de la puissance de la logique, c'est aussi une critique de Hegel et de l'hégélianisme, donc d'un certain Marx ou d'une lecture que Lénine va faire de Marx. Il nous dit, Nisan, que seule importe la philosophie morale et pratique. Il dit, il y a la pensée qui guérit et celle qui ne guérit pas. Bien sûr, l'épicurisme fait partie des pensées qui guérissent. Et on peut conclure que le marxisme ne fait pas partie des pensées qui guérissent. Et que le voyage en Urse débouchera sur ce genre de conclusion. Voilà pourquoi on peut imaginer que ce petit livre, Le matérialisme antique, c'est un genre de retour de l'Urse. De Gide, c'est le retour de l'Urs de Paul Nisan. Il ne le dira pas, mais il dit juste que le vrai matérialisme, celui qui sauve, c'est celui d'Épicure. Sous-entendu, suivez mon regard, le faux matérialisme, c'est le matérialisme marxiste-léniniste, où le matérialisme dialectique ne sauve pas, il ne guérit pas. Donc il dit là ce qu'il n'a pas dit ailleurs, c'est-à-dire que les 3 mois de silence à l'endroit de Rirette vont générer, c'est mon hypothèse du moins, vont générer ce petit texte très fin, très subtil sur le matérialisme antique, parce qu'il nous propose un certain usage d'Épicure. Et cet usage d'Épicure, il donne l'impression qu'on peut penser un parti communiste français, qui ne soit pas un parti communiste indexé sur l'Union soviétique. Il fait un portrait d'Épicure, Paul Nizan, qui ressemble à un autoportrait. Mais on fonctionne souvent comme ça, hein, citation donc de Nizan. Épicure n'était pas distingué. Il ne respectait pas les professeurs. Il se moquait des règles du jeu. Il nommait Nosiphane mollusque, illettré, tricheur, catin. Les platoniciens, ils les traitaient de flatteurs de Dionysos, et Platon lui-même de tout en or. Ils étaient vides, ils apportaient une vaine culture quand on voulait une science qui délivra. Il fallait être fier d'être pur de leur faux savoir. La vie ne demande pas des idéologies vides, mais seulement la vie. La vie ne demande pas des idéologies vides, mais seulement la vie. C'est un communiste qui écrit ça aux Éditions Sociales Internationales, c'est-à-dire une maison d'édition communiste. C'est un permanent du Parti communiste qui écrit ce genre de choses. Il ne veut pas de grande politique, pour, si on peut utiliser cette expression que j'emprunte à Nietzsche, mais il veut tout de même une politique Épicure, et Paul Nizan également. Épicure disait qu'il ne faut pas faire de politique pour sauver son ataraxie. L'ataraxie, c'est l'absence de trouble. Et l'absence de trouble, c'est ce qui fait qu'on ne désire rien, qu'on n'est pas malheureux, que quand on a soif, on éteint la soif avec un peu d'eau, quand on a faim, on éteint la faim avec un petit peu de fromage sur un peu de pain, nous dit-il. Et puis les autres désirs sont sans intérêt, puisqu'on ne satisfait que les désirs naturels et nécessaires, et la faim et la soif sont des désirs naturels et nécessaires. Les autres désirs ne sont ni naturels ni nécessaires. La sexualité, par exemple, désir naturel mais pas nécessaire, nous dit-il. On a une sexualité, mais on peut s'en passer et on vit très bien, nous dit Épicure, qui n'avait pas lu Freud. Et il nous dit, puis après, il y a des désirs non naturels et non nécessaires. Alors ceux-là, il ne faut pas du tout les satisfaire. Le sens de l'honneur, les richesses, le pouvoir ou ce genre de choses. D'avoir la Légion d'honneur, d'avoir un prix littéraire, d'avoir ce genre de choses, c'est sans intérêt, nous dit Épicure. Il faut se soucier de ce qui nous permet un salut personnel. Il ne faut pas se marier, nous dit, parce que ça, c'est quand même une occasion de troubler l'ataraxie. Il ne faut pas faire d'enfants, parce que l'ataraxie, elle en prend un gros coup. Il ne faut pas faire de la politique, il ne faut pas avoir des charges ou des représentations, il ne faut pas être maire de votre village, il ne faut pas être candidat au présidentiel, il ne faut rien de tout ça, si vous voulez conserver votre ataraxie, dit Épicure. Et penser que Nizan prête à Épicure, mais là encore, moi j'ai bien lu et bien médité Épicure, je n'ai jamais trouvé cette pensée-là chez Épicure, je pense, et chez les Épicuriens non plus, je pense qu'elle est vraiment de Nizan. Et c'est une idée un peu libertaire, ou vraiment libertaire. Nizan dit qu'Épicure dirait qu'on supprime les maîtres, mais c'est finalement pour en installer d'autres. Là aussi, on a l'impression que Nizan, il balance des piques à Cognot, à Canapin, au Parti communiste, et qu'il est peut-être moins soucieux d'Épicure dans cette aventure que de ce qu'on peut faire avec Épicure et l'épicurisme à cette époque-là. Sous couvert de parler de la Grèce, de la Grèce d'Épicure, Nizan écrit, et là encore, je vous le rappelle, c'est un permanent du Parti communiste qui écrit ça, mais il est couvert, hein, puisqu'il parle de la Grèce, « Les rêves de communisme ou de socialisme comportaient toujours le maintien de l'esclavage ». Phrase extrêmement importante. On est chez les Grecs, on est chez Épicure, il s'agit de cette période-là, on a une caution hellénistique. « Les rêves de communisme ou de socialisme comportaient toujours le maintien de l'esclavage ». On ne peut pas, évidemment, ne pas songer à l'Union soviétique à cette époque-là. La position d'Épicure, nous dit Nizan, elle est moins antisociale qu'asociale. Son problème n'est pas d'être opposé à la société, mais de faire sans la société, ou malgré la société, ou indépendamment de la société. Épicure propose un naturalisme intégral. On n'entrera pas dans le détail, j'avais eu l'occasion de le dire longuement. On a passé plusieurs séances il y a 10 ans sur Épicure. Les dieux sont matériels, ils sont insoucieux de l'avenir des hommes. Il n'y a que des atomes dans une pluie de vide. La connaissance passe par la sensation. Plus on avance la science, plus on fait reculer les mythes. L'âme est matérielle, elle se décompose après la mort. Le bonheur est simple, il suffit de satisfaire les désirs naturels et nécessaires. La sagesse d'Épicure, elle est très simple, très pratique, très concrète, très efficace, mais elle est très simple également. Pas d'argent, pas d'honneur, pas de richesse, la maîtrise de soi. Uniquement la maîtrise de soi, le bon usage de soi, le bon usage de son corps et une fameuse arithmétique des désirs. Il dit, Nizan, phrase importante aussi, « une sagesse matérialiste aujourd'hui ne serait pas fort différente par ses principes de celle d'Épicure ». Dans « Sur l'humanisme », un texte qui est publié dans une revue communiste qui s'appelle « Europe » en 1933, Nizan écrit « Il viendra un temps où les hommes pourront accepter leur destin. Leur vie ne sera qu'une profonde adhésion. Ils parleront peut-être d'un humanisme de la joie. Mais nous, aujourd'hui, nous ne parlons encore que d'un humanisme limité parce qu'il refuse le monde et comporte la haine, où la seule valeur qui annonce notre avenir est la fraternité volontaire des hommes engagés à changer la vie. » Il faut accepter son destin, il faut créer des occasions de joie, il faut viser une profonde adhésion. C'est le communisme selon Nizan. Évidemment, un communisme très hérétique, un communisme très hétérodoxe. C'est sûrement pas le communisme du Parti communiste français, c'est sûrement pas le communisme du Parti communiste soviétique. C'est un communisme épicurien, voilà pourquoi j'ai parlé d'un bolchevisme épicurien. Il pense que l'homme est né pour la joie et que la communauté rend possible cette joie. Chez Épicure, ça passe par l'amitié. C'est l'amitié qui est la possibilité d'une petite politique, si on veut l'opposer à la grande politique ou à la politique politicienne. Cette petite politique qui passe par la communauté d'amis, elle constitue, c'est une citation de Nizan, je conclurai là-dessus, elle constitue l'amorce d'un nouvel ordre humain. Donc, plus question d'économie, plus question d'infrastructure économique et de superstructure idéologique, plus question de capital, plus question de révolution sanglante ou d'appropriation des moyens de production, simplement la fabrication d'une communauté épicurienne qui rendrait possible un nouveau communisme, un autre communisme, un communisme qui ne soit pas bolchevique et pro-soviétique. Et puis il conclut, et je conclus ma conclusion avec ça, Nizan conclut en disant qu'il a raison, que l'épicurisme a toujours été un ferment révolutionnaire au travers des âges. On l'a vu, cette contre-histoire de la philosophie, depuis 10 ans, pourrait presque se présenter comme une histoire de l'épicurisme au travers des âges. Comment on arrive à l'épicurisme à partir de Démocrite, Leucippe, et puis aussi comment ça produit des effets dans le temps. Et tous les philosophes dont nous avons parlé sont des philosophes qui ont tous dit à un moment donné de leur existence du bien d'Épicure. On l'a même vu chez Nietzsche. Donc il nous dit, il y a eu un ferment révolutionnaire dans l'épicurisme, contre le christianisme hier, peut-être contre le marxisme-léninisme aujourd'hui. Dans une note finale, c'est-à-dire il conclut son texte en faisant un éloge de Lénine, et puis il y a une petite note. C'est-à-dire que la fin du texte n'est pas l'éloge de Lénine, mais la note. Et quand on lit cette note, Nizan décrit l'usage qu'on peut faire d'Épicure dans l'Italie fasciste. Il dit voilà, l'Italie est fasciste, Épicure peut être utile. Et il écrit « Épicure n'a pas fini d'être regardé comme un libérateur ». Voilà, merci pour aujourd'hui. Alors les deux textes dont je vous ai parlé, les Shungard et les matérialistes de l'Antiquité ont été réédités dans la petite collection Maspero. Ce sont deux petites choses qui sont deux jolies bombes. Épicure, c'est une petite œuvre complète. Je vous invite à lire, pas forcément l'œuvre complète, parce que c'est pas très important, hein, c'est en volume, mais c'est quelques pages de la lettre à Ménécée, qui c'est un sommet de synthèse, puisque à l'époque, Épicure synthétisait ses propos. Donc c'est très heureux que ces lettres-là nous soient conservées, parce qu'effectivement, c'est la quintessence de la pensée d'Épicure. Une biographie de Paul Nizan, celle d'Annie Cohen-Solal, et qui est une sartrienne, avec la collaboration d'Henriette Nizan, donc Paul Nizan, avec un sous-titre qui est « Communiste impossible » chez Grasset. Un texte de Francine Markowitz, « Marx dans le jardin d'Épicure » aux éditions de Minuit. C'était Contre-histoire de la philosophie de Michel Onfray. Prise de son, Patrick Chanteclair, France Bleu Basse-Normandie. Collaboration technique, Centre dramatique national de Normandie. Réalisation, Véronique Villa. Demain, les questions des auditeurs du Centre dramatique national de Normandie à Michel Onfray.